Chapitre 4. La fête de M. Perrotot. La porte de Blandine était restée grande ouverte. Miette s'avança sur le seuil et regarda. Blandine dormait profondément. Son bras mince et blanc, plié autour de sa tête et ses longs cheveux à demi échappés de son bonnet dénoué, ruisselaient brillants sur l'oreiller mêlé aux perles bleues du chapelet qu'elle tenait encore. Elle était bien jolie ainsi, mais les yeux de Miette s'étaient fixés ailleurs que sur le visage de la belle endormie. Près d'elle et posée sur une petite table, parmi d'autres fleurs, elle voyait un pavot bleu si bien fait, si naturel, qu'il faisait illusion. Une idée extravagante vint à Miette et elle forma un projet qui ne l'était pas moins. En attendant de le réaliser, elle s'en alla tout doucement, allumer son petit fourneau, ouvrir la porte du poulailler, qu'elle fermait chaque soir de peur des fouines, et prépara le déjeuner. Blandine ne tarda pas à se lever, et lorsque le bonhomme Perrotot s'éveilla, il dit qu'il se sentait bon appétit et prendrait bien une tasse de chocolat. Tandis que Miette la préparait, Blandine va tenir compagnie à son parrain. « Les pavots sont-ils fleuris ? » demanda-t-il. « Presque tous, mon parrain. Mais il y en a encore plus de 20 en boutons. Que je voudrais les voir. Vous vous lèverez demain, le docteur l'a dit. Oui, mais aujourd'hui je voudrais. Ah, j'ai une idée. Donne-moi ce miroir, Fiette. » C'était un petit miroir ovale accroché au mur. Il le prit des mains de Blandine, l'éleva, l'inclina, et trouvant enfin le point juste, vit le jardin s'y refléter. « Ah ! » s'écria-t-il, « il y est !»« Qui ?» demanda Blandine. « Le pavot bleu, il est fleuri, je le vois, quel bonheur !» Blandine crut qu'il divaguait et ne bougea pas. « Mais regarde donc, ma fille, mets-toi à la fenêtre !» Elle y alla et, muette de surprise, joignit les mains et fut elle-même dupe un instant. La bonne Miette avait décapité un pavot et planté sur sa tige le pavot bleu fabriqué par Blandine, et cela si adroitement que rien plus. Blandine, sous prétexte d'aller voir le pavot le plus près, courut à la cuisine et gronda à Miette. « Qu'avez-vous fait ? C'est manquer de respect à mon parrain que de le tromper ainsi. Pourquoi m'avoir pris cette fleur ? Miette, c'est très mal. »« Mais je ne veux pas tromper monsieur, » dit Miette. « Et la preuve, c'est que j'ai fait une petite chanson, que nous lui chanterons à midi, en lui souhaitant sa fête. » Écoutez plutôt. » Et d'une voix un peu cassée, mais fort juste, la bonne Miette fredonna ce naïf couplet sur l'air classique. « Ah, vous dirais-je, maman ?»« Pour fêter Saint-Jean-Baptiste, je voulais un pavot bleu. J'en ai fait un de Baptiste, je vous l'offre avec mes vœux. Prenez-le, mon très cher maître, s'il n'est pas un vrai pavot, il ne laisse pas que d'être, et plus durable et plus beau. » « D'abord, dit Blandine, ma fleur est en soie et non pas en batiste. En la plantant là-bas, vous décomplétez mes bouquets. D'ici à midi, j'aurai à peine le temps de les monter et de refaire un autre pavot. Vous me mettez dans l'embarras, Miette. » « Et non, faites vite une fleur quelconque, monsieur sera content. D'ailleurs, puisqu'il l'a vu, il est trop tard pour reculer. » On sonnait à la porte, c'était le docteur. « Le malade va-t-il mieux ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur, fort bien. Il m'a demandé son chocolat et parle de se lever. » « Nous allons voir cela. » Il monta. Miette et Blandine n'osèrent le suivre, et en entrant dans la chambre, il fit une exclamation de surprise. M. Perrotot était élevé, en robe de chambre, coiffé d'un pyramidal bonnet de coton, sa lorgnette à la main, et regardant par la fenêtre. « eh bien, quel gaillard ! Quoi ? Avant d'avoir déjeuné, vous voilà sur pied ? Mais c'est imprudent. Il s'agit bien de cela. » C'est que Perrotot, « Regardez voir, docteur, regardez là, dans mon jardin. » « Que vois-je ? Un pavot bleu ? Par quel hasard ? Ce n'est pas par hasard, » reprit le bonhomme en se rengorgeant. « On a étudié la chimie tinctoriale, docteur, et le cyanure double de fer, protocyanisé, administré méthodiquement, avec addition d'autres choses, c'est là qu'est mon secret. Le cyanure a fait miracle. J'ai trouvé le pavot bleu. » « Je vous en fais mon sincère compliment, » dit le docteur. « Ménagez-vous, mangez peu, des choses légères et ne restez pas au serein. « Je suis obligé de vous quitter bien vite, on m'attend. Au revoir. » Et le bon docteur, fort leste malgré ses 60 ans, descendit, répondit d'un seul mot en révérence de Miette, et détachant son vieux cheval qui, en l'attendant brute à une branche de la vigne treillagée sur la maison, se mit en selle et partit au petit trot. Il avait affaire à Saint-Cyr, au Mont d'Or. La course était longue, et Coco commençait à trouver la montée bien raide. « Tu es là, mon pauvre vieux, » lui dit le docteur. « Tu as bien fait tes 10 lieues hier. Je vais te soulager. Patience. » Il mit pied à terre et marcha, suivi par Coco. le docteur était encore excellent piéton, et bien que depuis 40 ans il parcourût cette contrée, il prenait toujours plaisir à regarder le paysage. Les haies pleines d'églantiers et de sureaux en fleurs, les champs fertiles parsemés de jolies maisons de campagne et de riants villages lui rappelaient bien des souvenirs. Chaque passant qu'il rencontrait le saluait par son nom et lui disait quelques mots respectueux et bienveillants. À 7 heures matinale, il n'avait encore croisé sur le chemin que des paysans allant à leurs travaux, ou des écoliers retardataires se rendant en classe le plus lentement possible, lorsqu'au détour de la route, il aperçut tout à coup un groupe d'élégants cavaliers. C'étaient deux jeunes mariés qu'il connaissait bien, le vicomte et la vicomtesse de Vertrieux, qui habitaient depuis 3 mois un des plus jolis châteaux des environs de Saint-Cyr. Ils saluèrent affectueusement le docteur qui avait guéri leur mère l'année précédente d'une grave maladie. Tous deux étaient jeunes, beaux et de belle humeur, et la vicomtesse, serrée dans son habit de cheval bleu de roi et coiffée d'un petit chapeau au bord cambré, était bien la plus charmante amazone de tout le Lyonnais. « Votre coco est-il déféré, docteur ?» dit le vicomte. « Voulez-vous le cheval de mon domestique ?»« Geoffrey conduirait le vôtre chez le maréchal. »« Je vous remercie, monsieur. Coco n'est pas déféré du tout, mais il est bien là, et je le ménage. J'aime à marcher. » « Allez-vous à la Pélonnière ?»« Oui, docteur, nous y déjeunons. »« Eh bien, si vous voulez voir une merveille chemin faisant, regardez par-dessus le mur dans le petit jardin de M. Perroton. Vous connaissez sa maison ?»« Oui, » dit la jeune dame. « Une petite maison jaune, tapissée de vignes, et où l'on voit un vieux bonhomme en bonnet de coton le matin, en casquette de loutre l'après-dîner, et qui dessine près de la fenêtre. C'est cela même. Mais qu'y a-t-il donc dans son jardin ? Vous le verrez. Je vais vous laisser la surprise. Au revoir, monsieur. » Votre serviteur très humble, madame la vicomtesse. Docteur, je vous en prie, venez ce soir à 7 heures dîner avec nous. Bien volontiers, madame, si mes malades me le permettent. Mais ne m'attendez pas une minute de plus que votre heure habituelle, serviteur. Et ils se séparèrent.